daughters of darkness. Daughters of darkness. De l'humanité a souvent été sanguinaire, de Cro-Magnon à l'homme moderne en passant par les révolutionnaires. Lucien et Robespierre en ont perdu la tête. Depuis Mao, Hitler, Staline, ce sont des montagnes de victimes. Si l'homme descend du singe, comme l'affirmait Darwin, le singe a l'air d'un sage, si l'on compare nos crimes. Entre l'amour et la violence, la différence est-elle si grande? C'est une ligne rouge très fine, comme le raconte cette légende. Sur le fil du rasoir se déroule une histoire où les morts sont vivants depuis la nuit des temps. Avec la mer du Nord comme outil de décor, sur les dunes d'Ostende, de femmes s'entrelacent. Les mamelles regorgent d'un liquide nourricier. La dentelle est si blanche, la peau acidulée. L'appétit vient en mangeant et le lait vient en pleurant. Tel le chérubin affamé, on ouvre les lèvres. C'est par des lèvres qu'on passe aussi lors de l'accouchement. Mais on n'y retourne plus, sauf spasmodiquement. J'ai fini le couplet de mon petit livre rouge. Nous y venons enfin, voici le rap des lèvres rouges. On grandit et voilà, nous sommes comtes et comtesses. Dracula est un mythe qui perdure comme la messe. Car pour ouvrir sa gueule, l'homme et la bête sont forts. Ils retroussent leurs babines, découvrant leurs canines. Et encore et toujours, ce sont les noces barbares. De la mort, de l'amour qui nous mord, c'est trop tard. L'amour du vin, du sang, du corps, du pouvoir sur la vie de l'autre. La couleur permet le coup d'un coup de revolver. La fille et le rasoir sont dans la salle de bain. Quelle est peur, quelle est glisse, et à nouveau se fend, se pourfend et s'en trouve l'œuvre du maléfice. La blessure, l'orifice, cette charnière du mot. C'est de là que l'on vient tous, juif, arabe ou peau rouge. C'est là qu'on peut rentrer et sentir que ça bouge. Sfatam Chif, Habouch Lips, Red Rojo et j'en passe. Voici venir, faites place, le rap des lèvres rouges.